Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Ils sont là, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Bon, je l'ai déjà fait le coup cette semaine, mais ce n'est pas des chats dont il s'agit cette fois, mais des plastiques. Ce fléau industriel et écologique dont on a du mal à voir le bout. Une toute récente cartographie très précise de la matière noire à l'échelle des superstructures cosmologiques révèle des ponts intergalactiques jusqu'alors inconnus. Et pour finir, le tunnel, la lumière, la décorporation, les entités mystiques au bout. Les expériences de mort imminente ont toujours été prises à la rigolade par la science, et si elle nous disait finalement quelque chose de notre conscience. Pollution plastique, carte intergalactique et mort et conscience, c'est le copieux programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme aussi copieux qu'alléchant, ceux qui sont allés explorer les confins du cosmos et des expériences limites de la conscience avec des produits non disponibles en grande surface. Bonjour, c'est Célestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Sébastien Carassou. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De la chaîne YouTube le Sense of Wonder et bonjour Blaise Mao. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika. Mais on commence par la lumière, non pas au bout, mais à l'entrée du tunnel. C'est comme chaque jour, Natacha Triou qui nous éclaire sur l'actualité scientifique. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et c'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Scientific Reports. Les premières guerres préhistoriques ne ressemblent pas à ce que l'on pense. Une équipe du CNRS a analysé les restes du célèbre site préhistorique de Jebel Saaba, au Soudan. C'est un cimetière vieux d'au moins 13 400 ans, du Pléistocène supérieur, qui est considéré comme l'un des plus anciens témoignages de la guerre préhistorique. Les chercheurs ont à nouveau examiné des milliers d'ossements et artefacts qui sont actuellement conservés au British Museum de Londres. Ils ont découvert que sur les 61 squelettes, 42 portaient des traces de lésions, des blessures cicatrisées et des blessures non cicatrisées provoquées par des objets tranchants projetés par des flèches ou des lances. Alors cela signifie que ces hommes, ces femmes et ces enfants ont subi des épisodes violents répétés. Alors contrairement à ce que l'on pensait, les premières guerres préhistoriques ne ressemblaient pas à une guerre unique, à un grand combat, mais plutôt à une succession de petits raids. Ces embuscades meurtrières ont peut-être été déclenchées par un changement climatique. Ces chasseurs, pêcheurs, cueilleurs vivaient à la fin de la dernière période glaciaire, au début de la période humide africaine, c'est-à-dire à une époque de pénurie de ressources, ce qui a pu exacerber la concurrence entre les clans. Et toutes les études dont il va être question et tous les dossiers dont nous allons parler, vous le savez, désormais vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, Natacha, le laboratoire Sanofi a annoncé hier le lancement de l'essai clinique de phase 3 pour son vaccin contre le Covid-19. Oui, les essais de phase 2 sur une centaine de personnes avaient montré de bons résultats. Le groupe pharmaceutique français Sanofi et l'entreprise britannique GSK lancent donc des essais à grande échelle pour prouver son efficacité. Le vaccin sera testé sur 35 000 volontaires. Avec beaucoup de retard, il devrait arriver sur le marché à la fin de l'année 2021, au plus tôt, soit un an après la sortie des vaccins concurrents. En bref, toujours, selon une étude de Santé publique France en 2020, le tabagisme a augmenté en France. Et cela faisait pourtant des années que la consommation de tabac ne cessait de diminuer. En 2020, le nombre de fumeurs occasionnels et réguliers a augmenté. Un quart des 18-75 ans déclare fumer quotidiennement. Et selon ce rapport, l'augmentation de la consommation de tabac est particulièrement forte chez les plus précaires. Santé publique France évoque un contexte de crise sociale où l'on observe un renforcement des comportements addictifs. Par ailleurs, la consommation d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs a aussi augmenté depuis mars 2020. C'est ce qui ressort du rapport EPIPHAR, un rapport mené par la Caisse nationale d'assurance maladie et par l'Agence nationale de sécurité du médicament. La prescription d'antidépresseurs a presque doublé par rapport à la période pré-pandémique. Cela reflète bien l'ampleur de cette crise sur la santé mentale des Français. On poursuit avec une étude parue dans la revue Nature Neuroscience. Les chercheurs ont découvert de nouvelles variations génétiques associées à la dépression. Oui, cette étude, c'est la plus grande étude d'association pangénomique sur la dépression. Alors cela consiste à comparer les données génomiques d'un très grand nombre de participants pour voir quelles sont les variantes génétiques que les personnes dépressives sont susceptibles d'avoir en commun. Alors cette équipe californienne a combiné les données génétiques du Million Veteran Programme sur 300 000 anciens vétérans, dont 11% souffrent de dépression, et les données de diverses biobanques pour un total de plus de 1,2 million de personnes. Alors grâce à cette immense cohorte, les chercheurs ont découvert 178 variantes génétiques associées aux troubles dépressifs majeurs. Alors notamment une variante du MEGR1, un gène qui est fortement exprimé dans l'hypothalamus, et une variante de DRD2, un gène récepteur de la dopamine. Alors bien sûr, la dépression est une pathologie complexe, hétérogène et plurifactorielle. Il n'existe pas de gène de la dépression, mais cette étude met en lumière son architecture génétique et identifie les marqueurs qui peuvent augmenter le risque de développer cette pathologie. Ces résultats pourraient conduire à de meilleurs traitements médicamenteux. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'un nouvel outil pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, de la crise de la reproductibilité dans la recherche qui est probablement plus grave que nous ne le pensions, d'un traitement optogénétique qui a permis à une personne aveugle de retrouver en partie la vue et de la découverte de la plus ancienne galaxie spirale, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, la NASA a annoncé qu'elle allait envoyer des tardigrades et des calamars à bord de l'ISS. Mercredi prochain, lors du prochain vol de SpaceX, 5000 tardigrades et 128 calamars rejoindront la Station Spatiale Internationale. L'objectif est de mieux comprendre les effets de la microgravité sur les interactions entre animaux et microbes. Quant aux indestructibles tardigrades, les chercheurs vont étudier les gènes qui sont impliqués dans la survie en conditions extrêmes. Cette semaine, le rire n'est pas le propre de l'être humain. Les animaux rient aussi. C'est ce que montre une analyse des cris d'une soixantaine d'espèces. Lorsque les animaux jouent ensemble, ils poussent des cris, c'est un signal vocal du jeu. Et ce signal auditif partage des caractéristiques acoustiques et fonctionnelles avec le rire spontané chez l'humain. Le rire humain serait l'évolution de ce signal lié au jeu. Et enfin, si vous ne supportez pas les bruits de mastication, de déglutition de votre voisin, si le bruit d'un chewing-gum mâchouillé vous donne envie de tout casser, vous souffrez peut-être de misophonie, un trouble psychiatrique répandu, mais que l'on explique mal. Selon des chercheurs, ce trouble serait causé par une connexion cérébrale super sensibilisée et par la suractivation des neurones miroirs. Et pour finir, Natacha, comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable, après l'indispensable respiration par l'anus de la semaine dernière, on attend celle de cette semaine, et chez les mammifères, ça vous concerne toutes et tous. Une étude parue dans la revue Sexual Development s'intéresse au pénis à quatre pointes de l'échidné. Oui, l'échidné, c'est un petit mammifère qui ressemble à un porc-épic. Comme l'ornithorynque, il pond des œufs, il produit du lait, et il possède une morphologie pénienne unique, un pénis à quatre pointes. Alors une équipe australienne a donc tenté de percer ce mystère anatomique. Ils ont découvert que ces quatre glandes en rosette contiennent chacune un urètre. Chaque embout peut délivrer des spermatozoïdes ou de l'urine, mais seuls deux de ces quatre pénis servent à la reproduction. Néanmoins, l'animal ne peut éjaculer que de façon unilatérale. C'est la première fois que l'on observe cela chez un mammifère. Et on est bien content de pouvoir en parler ce week-end au déjeuner de famille. Merci beaucoup, Natacha, pour ce journal des sciences. Comme chaque vendredi d'actualité, un petit tour de table sur l'actualité scientifique de la semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu particulièrement votre attention, Cécile ? Oui, moi, je reste fascinée par cette histoire de l'origine de la guerre. Parce que quand on remonte le fil de l'histoire, évidemment, on est face à une longue suite de conflits armés. Et voilà, effectivement, quand on s'interroge sur le début de ce comportement, en fait, c'est un mystère qu'on n'a pas encore résolu parce que les indices sont épars et souvent difficiles à analyser. Il faut que même quand les gens sont tués, ça fait, laisse pas forcément des traces sur les ossements, comme là on a pu le voir dans ce que rappelait Natacha. Voilà, les armes, est-ce que ce sont vraiment des armes ou est-ce que ce sont des outils? Enfin, tout ça fait que c'est compliqué et donc on ne sait toujours pas si nous sommes naturellement guerriers, naturellement belliqueux. On va pas rouvrir ce vieux débat qui nous prendrait beaucoup de temps et d'autres philosophes plus carénés que nous y ont passé leur vie entière. Blaise Mahaut, peut-être une réaction à l'actualité scientifique de la semaine, des choses qui ont retenu votre attention en particulier? Le projet du Japon de financer un projet avec pas mal de partenariats publics-privés pour mettre au point des vaisseaux spatiaux permettant de relier les villes, des grandes villes du monde entre elles. Le Tokyo-Paris en 2 heures. En 2040, c'était l'annonce. On connaît un peu ce type d'annonce qui fonctionne, qui nécessite un suivi attentif dans leur réalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on pense à Elon Musk en 2017, qui avait lui-même avancé des pions sur ce terrain-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que le projet est très détaillé. Il y a une feuille de route assez pointue. Et puis le Japon accuse un certain retard relatif, hein, mais retard tout de même sur les États-Unis, sur la Chine, même sur l'ESA et l'Europe, sur la question spatiale. Donc il y a un début peut-être de rattrapage, en tout cas pour l'instant dans les annonces, côté japonais. Il s'agirait finalement d'une fusée stratosphérique qui passerait par l'espace, quelque chose comme ça, qui rejoint un peu aussi ce que le PDG de Virgin avait voulu développer à un moment donné, je crois. Oui, c'est ça. Alors là, on est vraiment pas sur un projet touristique. Hein. C'est vraiment c'est du transport de personnes massif, mais c'est le même principe, ouais. C'est via la stratosphère. Sébastien Carassou. Moi, j'ai du mal à passer outre cette annonce sur le pénis des JV. ayant passé toute mon enfance à jouer à Sonic, je ne pourrais pas jouer à Sonic de la même manière à présent. Donc, merci pour ça. Ou alors, il faut développer un autre type de jeu vidéo avec Sonic. Oui, alors, il y en a peut-être déjà. Hein. On ne va pas vérifier. Dans le multivers, il existe forcément. Les fans de Sonic sont incroyables. Ok, donc moi, ce qui a retenu mon attention, c'est cette histoire de tardigrades qu'on a envoyé dans l'espace. On avait dit 100 000 tardigrades qui vont dans l'ISS. Ça fait 10 fois plus que le nombre d'humains qu'on a envoyé dans l'espace depuis le début des missions Apollo, voire des missions Gemini, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On a envoyé beaucoup plus de tardigrades que d'autres animaux ailleurs. Ça m'a fait aussi penser à cette étude qui est parue il y a quelques jours, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais où deux chercheurs ont décidé de mettre des tardigrades dans des balles de pistolet. Absolument, et de tirer on en a parlé. Dessus, voilà, pour expliquer le crash de la sonde Bereshit. Et donc, voilà, probablement, ces tardigrades sont morts, ne sont pas vivants sur la Lune. Effectivement, il faudra aller vérifier. Mais voilà, on commence à trouver les limites des tardigrades, même si on les vante comme des robustes, voilà, des super-héros des animaux. Moi, j'aimerais peut-être un mot avec vous également, Cécile, sur parce que c'est aussi des annonces au compte-gouttes, parfois un peu fracassantes, qui finissent par être décevantes, mais sur cette question du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, qui est toujours à la fois une clé importante dans la prise en charge de cette maladie, et avec toujours cette question qui est presque une question philosophique de dire à quoi sert-il de diagnostiquer une maladie avant qu'elle n'apparaisse et qu'est-ce que ça peut provoquer finalement chez les personnes qui ont été diagnostiquées. Si on peut avoir effectivement un diagnostic 4 ans avant l'apparition des premiers symptômes, qu'est-ce qu'on en fait? On teste des médicaments par exemple. Parce que un des problèmes avec les médicaments qu'on essaye de tester pour Alzheimer, c'est ça, c'est qu'on les donne probablement déjà trop tard. Parce qu'effectivement, il faut que les personnes soient diagnostiquées Alzheimer pour qu'elles puissent rentrer dans ce protocole-là. Et donc, ça serait une piste pour pouvoir tester certaines molécules en amont et voir si justement leur du coup elles sont plus efficaces. D'avoir effectivement des essais cliniques qui permettent de quantifier le retard possible apporté au développement des symptômes. En tout cas, c'est effectivement une nouvelle intéressante. On va parler d'un certain nombre de sujets tout au long de cette heure. On va parler du plastique, on va parler de la matière noire et de sa répartition dans les superstructures cosmologiques. Et on va également parler de mort imminente. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Le plastique, c'est fantastique, chantait-on dans les riches années 90. Voilà, vous l'avez en tête pour le week-end, je ne vous remercie pas. 30 ans plus tard, ce n'est plus tout à fait en fait la même ambiance, hein, loin s'en faut. Parce que si tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le plastique est une plaie pour l'environnement, qu'il faut en limiter l'usage, la réalité est tout autre, hein, Cécile, puisque la production de plastique dite vierge tourne encore à plein régime, malgré bien toutes les études de nocivité qui s'accumulent, encore une fois, tant sur l'écosystème que sur la physiopathologie humaine. Absolument. D'ailleurs, Elmer Footbeat, le groupe qui avait chanté « Le plastique, c'est fantastique », a fait récemment une chanson « Le plastique, c'est dramatique hein, ». Ils se sont mis au goût du jour. Ils se sont mis au goût du jour, même si pour la première opus de cette chanson, c'était pour vanter les... Voilà, d'autres types de plastique. D'autres types de plastique. Pour le dire simplement. Voilà. Oui, on vit à l'ère du plastocène, on peut dire aujourd'hui aussi. Hein, on a du plastique partout. Alors... c'est facile de cracher dans la soupe aujourd'hui, mais c'est vrai que les plastiques sont des matériaux qui sont assez fantastiques. Mmh. Voilà. Ils sont solides, ils sont souvent pas lourds. On s'en sert partout d'ailleurs, comme vous le voyez, il y en a absolument partout. Résistant très peu cher par ailleurs également. C'est pas cher, ça se corrompt pas facilement. Et voilà, c'est même le problème que ça ne se corrompt pas facilement. Voilà, et du coup, on en a absolument partout dans nos vêtements, dans l'aéronautique, les bâtiments, l'automobile, l'électronique, en médecine, beaucoup dans les hôpitaux, tous les tubes, etc. sont en plastique. Et une des grosses masses du plastique que l'on produit, que l'on utilise, c'est pour les emballages alimentaires. En Europe, c'est à peu près 40% du plastique que l'on produit. Et le problème de tous ces plastiques, c'est qu'ils ne se dégradent pas. Voilà. Enfin, en tout cas, pas de façon naturelle. Ils ne rentrent pas dans le grand cycle de remobilisation. On ne peut pas les solubiliser comme les pierres, par exemple, ou le verre, voilà, qui peuvent s'y rajouter des métaux dans l'eau. Et ce ne sont pas non plus digérés par les micro-organismes. Donc, ou par certains très extrêmes, mais ça c'est de la recherche. Je trouve intéressant ce chiffre. Je parlais de la production de plastique vierge, parce que c'est vrai qu'on a l'idée aujourd'hui que le plastique est mieux recyclé. Le gros dossier que vous proposez dans le Pour la Science montre que le recyclage, c'est beaucoup du fantasme, et vous allez nous l'expliquer. On consomme au moins l'équivalent de notre poids corporel par personne et par an de plastique. Ouais. Oui, c'est les chiffres. Ouais. C'est assez intéressant pour se rendre compte de notre responsabilité individuelle sur l'utilisation et la consommation de plastique. Oui, et la plupart des plastiques que nous consommons ne sont pas recyclés de toute façon. Alors déjà, on va pouvoir parler des difficultés du recyclage, mais la plupart, on pense que effectivement, chaque année, en Europe, pour les emballages, on publie 20 millions de tonnes par an de plastique. Voilà, et sur ces 20 millions, vous en avez 7 millions qui sont incinérés. Alors bon, ça fait de l'énergie, mais ça fait aussi des gaz à effet de serre. Vous en avez 3,3 millions qui sont enfouis, un peu plus de 2 millions de tonnes à chaque fois, qui sont perdus. Qui disparaissent dans la nature au sens propre du terme. Voilà. Et 6,5 millions qui rentrent dans une espèce de chaîne de recyclage, mais qui n'est malheureusement pas une vraie chaîne de recyclage. Toute cette problématique-là. Parce que la problématique, c'est que le plastique est très résistant, ce qui fait aussi son intérêt. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez tous ces plastiques. Il suffit d'aller sur la plage cet été, hein, vous allez en voir partout. Mais quand il, au fil du temps quand même, il finit par se dégrader, il forme ce qu'on appelle des microplastiques ou des nanoplastiques, voilà, et qu'on retrouve absolument partout aujourd'hui, dans les glaciers, au fin fond même des fosses océaniques. Voilà. Et ça ne va aller qu'en augmentant, parce qu'une bonne part des plastiques aujourd'hui, les déchets plastiques aujourd'hui dans la nature, ne sont pas dégradés comme ça encore. Donc, ça ne fait que se dégrader. Je vais donner quelques chiffres comme ça à la va-vite. Hein, sur les 8,3 milliards de tonnes de plastique produites entre 1950 et 2015, bien 5 milliards, 60% n'ont été ni recyclés ni incinérés, se sont accumulés dans la nature. Il y a 5 milliards de tonnes de plastique qui se baladent à la surface de notre planète. Et ces déchets plastiques pourraient atteindre 12 milliards de tonnes en 2050. Donc on n'est vraiment pas du tout sorti de l'auberge en fait. Non. Merci, au revoir. Voilà. Non, mais je le disais, le plastique vierge, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire aujourd'hui, le plastique, et comme évidemment il y a beaucoup de greenwashing, et les constructeurs disent, voilà, ce plastique, cet emballage est fait à partir de plastique recyclé, etc. On produit 400 millions de tonnes de plastique vierge chaque année, et cette quantité est en augmentation. Oui, parce qu'on en a besoin de plus en plus. Et alors, pour le coup, d'ailleurs, la récente pandémie que nous avons traversée ou que nous sommes encore en train de traverser n'a pas été très favorable à la diminution de notre consommation de plastique avec tout ce que nous pouvons acheter à emporter, notamment, qui a beaucoup augmenté. Alors qu'effectivement, la législation va plutôt vers moins de plastique, hein, d'ici... normalement en 2030, il n'y a plus de plastique à usage unique et tout ça en Europe. Mais encore faut-il aussi trouver des alternatives, parce que c'est facile de dire que c'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien, mais en même temps, enfin c'est pas bien, que c'est probablement relativement dangereux pour la santé. Mais que va-t-on en faire? Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé à ces chercheurs d'écrire les articles dans ce numéro. En fait, c'est parce que nous sommes partenaires en toute transparence, mais France Culture aussi, un événement qui aura lieu au Muséum le 3 juillet, voilà, et qui va justement l'après-midi pour les grands auditeurs et le matin pour les jeunes auditeurs, et voilà, et qui va justement inviter à réfléchir à cette problématique-là. Alors, pas leur demander évidemment forcément de trouver les alternatives, monsieur, tout le monde ne peut peut-être pas le faire, mais aussi de réfléchir à quoi on est chacun personnellement prêt à renoncer. Et on va vous mettre évidemment le lien vers cet événement qui aura lieu le 3 juillet. Ça se déroule au Muséum, d'Histoire naturelle. Ouais, c'est ça. Peut-être un mot alors justement sur cette fiction du recyclage. Est-ce que on sait quels sont les plastiques, quelle est la quantité, est-ce qu'on recycle plus, pourquoi est-ce que le recyclage fonctionne mal et pourquoi est-ce que tout ça est un peu fictif en quelque sorte, Cécile? Parce que le plastique ne se recycle pas bien. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle recyclage, par ailleurs. Le vrai recyclage, c'est prendre une bouteille et en refaire une bouteille. Voilà. Et c'est en général pas ce qui se passe avec le plastique parce que d'abord tous les plastiques ne permettent pas du tout de faire ça. Les plastiques ne le sont pas du tout. Et puis même ceux qui le sont, le produit se dégrade assez vite et ça ne fonctionne pas très bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en fait rien. On en fait des cintres, des bancs, des revêtements routiers. On fait d'autres choses avec le plastique, des vêtements. C'est bien connu, les polaires. Tout ça, mais c'est évidemment mieux que de les jeter dans la nature, mais par ailleurs on le fait à la place d'utiliser d'autres matériaux qui eux peuvent se recycler naturellement et rentrer dans les grands cycles géologiques biologiques. On parle aussi, on lit aussi beaucoup de choses sur. Ah oui, c'est ça qui est intéressant pour conclure sur ce que vous venez de dire. Il est spécifié que le plastique n'est pas du tout dans une économie circulaire, mais on parle d'une économie de type tire-bouchon. Oui, exactement. En fait. Pour ce que je viens d'expliquer, c'est on recycle pas beaucoup, on décycle. Voilà, on le met à côté, voilà, et on continue à produire de plus en plus de plastique, voilà, parce qu'on a besoin de renforcer. Au lieu de faire le même produit, on fait un produit un peu dégradé. Et ce produit dégradé, on peut plus recycler, etc. Et en fait, ça finit en autre boudin. Alors c'est pour des tas de raisons, hein, mais je pense que c'est pas parce que personne ne le veut, parce qu'il y a d'autres matériaux qu'on recycle plutôt très bien, hein, en France. Le verre, le papier, c'est quand même, on arrive à des taux très qui soient assez bons aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est techniquement pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un des problèmes. On a lu aussi pas mal de choses autour des bioplastiques. Qu'est-ce que c'est que les bioplastiques? Est-ce que c'est un espoir? Pas forcément. En tout cas, souvent pas les bioplastiques que l'on trouve aujourd'hui. Alors les bioplastiques dits écolo, bioplastiques, tout ce que vous voulez, sont effectivement faits à partir de matériaux d'origine naturelle, du maïs, de l'abidon, du sucre, voilà. Pour des faire algues. Voilà. Le problème, c'est que si vous vous servez de ces matériaux-là pour faire des polymères qui sont exactement semblables aux polymères d'origine pétrolière qu'on utilise pour faire le plastique que l'on voit partout, là, eh ben, on se retrouve avec exactement la même problématique qui est que ça ne se dégrade pas de la même façon. Enfin, effectivement, ça ne retourne pas dans le grand cycle de la nature, entre guillemets. Et d'où c'est tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? On peut essayer de faire beaucoup de choses. Alors, eh bien, c'est essayer de faire des plastiques, effectivement, qui, eux, seraient dégradables. Voilà. Alors, une des premières choses qu'on peut faire aussi, c'est arrêter. Enfin, c'est ça. Tout ce qu'on peut éviter, ne peut pas le faire. Un bon déchet est un déchet qui n'est pas produit. Exactement. Par exemple, on donne l'exemple, Nathalie Gontard de l'INRAE de Montpellier, qui a écrit le premier article, cite l'exemple d'une chaîne de supermarché en Thaïlande qui emballe tous ses aliments dans des feuilles de bananier. Bon, en France, c'est moins pratique. Il y a moins de bananiers à disposition. Ça va pas être facile. On réquisitionne les bananiers d'appartement. Et on peut pas dire non plus qu'on ne veut plus du tout d'emballage, parce que l'emballage, C'est un vrai avantage, évidemment. Ça empêche les aliments de se corrompre, hein, et donc ça limite le gâchis alimentaire, ça limite les contaminations. Donc on a effectivement besoin d'emballage. Un outil d'hygiène par ailleurs aussi. Donc, effectivement. Mmh. Donc il faut trouver d'autres solutions. Donc il y a des choses à partir d'algues, à partir sur lesquelles on travaille. Et notamment Nathalie Gontard là est en train de travailler sur une sorte de barquette alimentaire qui est faite. Alors que je me souvienne, c'est un matériau composite, qui sont des polyesters qui sont synthétisés par des bactéries à partir d'eau usée de huilerie ou de fromagerie. Ça c'est un des objectifs, ça serait d'utiliser des ingrédients qui ne sont pas utiles, qu'on n'utilise pas d'habitude pour l'alimentation humaine ou animale, parce que sinon vous rentrez en concurrence et c'est pas forcément l'idée. Donc là, ce sont des déchets recyclés, auxquels on ajoute d'autres résidus agricoles, de la paille de blé, du sarment de vigne, qui normalement est réutilisable et est totalement biodégradé, parce que un autre des problèmes souvent de ces bioplastiques, et là évidemment il le surveille très bien, ce sont tous les additifs qu'on met. Alors, il y en a dans tous les plastiques des additifs. Il y a des plastiques il y a des additifs plastifiants, par exemple. Je me suis demandé ce que c'était pour les plastifiants, le plastique, mais c'est pour le rendre plus souple ou moins coupant. Donc voilà, il y a des pigments pour la couleur, il y a des différents trucs, des antioxydants, et il y en a des milliers et des milliers et des milliers, comme nous l'explique Jean-Baptiste Fini, qui est au Muséum national d'histoire naturelle et qui sera là, le 3 juillet, Et on ne connaît pas une grande partie de tous ces ingrédients et qui, on le sait, migrent dans l'alimentation. Mmh. On l'a vu avec le bisphénol A, on l'a vu avec les phtalates. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et ça, c'est un des grands enjeux parce que on ne sait pas. Alors, certains ne sont probablement pas si dangereux que ça, faut pas croire qu'on, mais ça demande vraiment de mettre en place aujourd'hui de nouvelles analyses. Oui, c'est un point de recherche très très intéressant et assez sensible parce que il y a évidemment cette question liée aux perturbateurs endocriniens. On sait maintenant que il y a cette fameuse légende d'ailleurs qui est un peu contestée, mais qui dit, pour donner aussi un équivalent ou en tout cas une image, que on ingère 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte bleue en plastique et en microplastique. Oui. La question, c'est quels sont les véritables effets sur la santé ? Et là, c'est évidemment très difficile à dire parce que tout cela est tellement multifactoriel qu'on a du mal à dire les plastiques ont exactement cet effet-là. Est-ce qu'ils sont responsables de la baisse de la fertilité ? Bon, il y a plein de questions qui sont difficiles à trancher, Cécile, en tout cas. Exactement. Alors, pour les 5 grammes, c'est un chiffre qu'on trouve partout, qui ne vient pas de nulle part, qui vient d'une étude. Effectivement, on ingérerait par semaine l'équivalent d'une carte bancaire. Et moi je mange ma carte bancaire directement, du coup ensuite je sais, j'ai plus faim et j'en ingère plus après. Mais il y a d'autres études qui donnent des chiffres bien plus faibles, une autre étude espagnole qui dit qu'on ingère 22 à 37 mg de microplastique par an et pas par semaine. Il y en a même une autre qui vient des Pays-Bas très récente qui dit qu'on en ingère que 0,2 mg. Mais par ailleurs, on se doute bien que à gérer du plastique comme ça a des répercussions sur la santé. Ça, est-ce que c'est cancérigène pour certains, certainement? Est-ce que les additifs sont des perturbateurs endocriniens? Ça provoque des inflammations qu'on ne sait pas encore bien mesurer, d'où l'intérêt de regarder, parce que ce que font d'ailleurs les chercheurs, dans les différentes cohortes comme qui existent en France, vous savez, où on suit des gens pendant des années et des années pour voir comment leur santé évolue, on regarde ça et là on s'aperçoit par exemple qu'effectivement la plupart des placentas, par exemple, sont contaminés par les microplastiques. Et pour conclure, alors il y a plein d'aspects qui sont traités vraiment en profondeur dans le dossier de Pour la Science. Il y a une piste qui pourrait être une piste industrielle assez simple, qui consiste à réduire la complexité des mélanges, c'est-à-dire à faire des plastiques finalement plus simples, qui seraient du coup plus simples à recycler et moins toxiques de manière générale. Qu'on pourrait mieux contrôler. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, on ne sait pas vraiment le devenir de tous ces microplastiques, nanoplastiques et additifs. Donc l'idée, effectivement, est qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de composants, qu'on puisse mieux les tester, du coup, et peut-être mieux les recycler ou les remettre dans le... Il y a encore du travail, une réaction l'un et l'autre, Blaise Mao, sur ce problème, ce casse-tête infernal de la réduction du traitement, des répercussions du plastique sur notre planète. Les répercussions, elles sont terribles dans les océans. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter il y a 2 mois avec Bourgnon, l'ancien skipper franco-suisse qui aujourd'hui a créé son ONG pour travailler sur un projet, ça s'appelle le Manta de bateau, de captation du plastique. Alors là aussi, il faut être éco-responsable et éco-exemplaire sur ce genre de projet. Bon, là, c'est un bateau zéro émission, qui sera en tout cas à terme zéro émission, qui sera mis à l'eau, je pense, d'ici 5 à 10 ans. Mais on voit que ça aussi, on peut plus épargner ce genre de projet-là. Et c'est aussi important d'aller chercher le plastique là où il est, avant qu'il se transforme justement en microbilles et qu'il tombe au fond des océans, en fait. Notamment via la technique de la pyrolyse, qui peut permettre de traiter sur certains bateaux le plastique. Ça, c'est intéressant. Oui, Cécile, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je veux dire, une fois que c'est complètement délité en micro-plastique et nano-plastique, c'est très très très difficile de les récupérer. Donc, effectivement, le mieux, ça serait de pouvoir tout. Même si, une fois qu'on les a récupérés, on ne sait pas trop comment faire. Il y en a quand même, on pense aujourd'hui, 6 milliards de tonnes de déchets dans la nature. Hein. Et même en Antarctique, je peux vous en parler, j'avais rencontré Olivier Chastel qui est ornithologue et qui travaille sur les perfluorés qui sont des imperméabilisants et dont on trouve des traces, y compris chez les oiseaux en Antarctique qui a priori ont eu quand même très peu de contact avec l'espèce humaine. Voilà, ça c'est pour vous remonter le moral avant le week-end. On va faire une petite pause musicale pour bien digérer notre plastique. Daily Routine de Dyke Rap, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française, à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard, à 16h30 sur France Culture. Deuxième dossier de notre table ronde d'actualité des sciences et de la recherche, la matière noire, ou si on veut l'appeler de façon un peu plus précise, comme l'appellent les astrophysiciens et les cosmologistes, la masse manquante, constitue, vous le savez, vous qui nous écoutez régulièrement, un quart de la densité d'énergie de l'univers, sans pour autant que l'on sache précisément de quoi il s'agit et ce que c'est. Ce qui n'empêche pas, pour paradoxal que cela puisse paraître, d'en cartographier la répartition. Et c'est ce qui vient d'être fait dans une étude publiée il y a quelques jours, Sébastien, et cette cartographie révèle des ponts intergalactiques jusqu'alors inconnus. Des ponts intergalactiques, je veux dire que moi ça fait rêver évidemment le lecteur de science-fiction, comme on avait parlé des autoroutes intergalactiques, racontez-moi tout. Oui, absolument. Enfin, c'est une étude que je trouve très très intrigante et très très prometteuse. Si c'est confirmé, on a des chercheurs coréens qui sont parvenus à cartographier pour la première fois la structure invisible en 3 dimensions de la toile cosmique dans l'univers local, grâce à des simulations informatiques et à des techniques sophistiquées d'apprentissage numérique. Alors il y a plein de mots, plein de jargon. Voilà, donc, vous allez nous rappeler tout ça. Décomposer un petit peu ça. Point par point. Donc déjà, la toile cosmique, c'est la distribution de matière dans l'univers aux plus grandes échelles imaginables. Il faut imaginer une espèce de réseau d'énormes filaments de matière qui sont reliés entre eux, qui ressemblent à l'intérieur un peu d'une grosse éponge. Et c'est sur ces filaments de matière que vont se tisser des galaxies et des amas de galaxies. Et le problème, c'est que cette toile cosmique, elle est largement invisible. Elle est largement constituée à plus de 80% d'une forme de matière invisible, voilà, et très mystérieuse, qu'on appelle la matière noire, mais qu'on devrait plutôt appeler la matière invisible, parce que elle n'interagit pas avec la lumière. Donc, on ne sait pas c'est quoi la nature de cette matière noire, pour l'instant, ça fait plus de presque un siècle qu'on cherche. Mais la grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas l'observer directement, parce qu'elle est invisible, elle n'interagit pas avec la lumière. Par contre, on a de très bonnes raisons de penser que cette matière noire, elle existe. Sa présence, elle est notamment nécessaire pour expliquer la répartition dans l'espace des galaxies qui sont observées par nos télescopes, puisqu'elle interagit avec la matière essentiellement par le biais de sa gravité. Et donc la matière noire, elle fournit le squelette de la toile cosmique, et c'est sa distribution à grande échelle qui va dicter le mouvement des galaxies et de la matière qui va former des galaxies, des amas de galaxies. Et donc notamment qui va structurer notre voisinage cosmique. Et donc cette équipe de chercheurs coréens a récemment publié une étude dans The Astrophysical Journal il y a deux jours, qui prétend être parvenue à cartographier avec précision la distribution de la matière noire dans notre voisinage à nous. Alors comment ils ont fait, Sébastien? Racontez-nous comment est-ce qu'on cartographie une matière qu'on ne voit pas dont on ne connaît pas la nature. C'est, quand même c'est là que la méthode est très très maligne. Ils se sont servis des informations qu'on a sur la position et sur le mouvement de près de 17 000 galaxies qui sont proches de la Voie lactée. Et je mets proche entre guillemets, c'est difficile de le faire à la radio, parce que certaines de ces galaxies se trouvent quand même à plus de 600 millions d'années-lumière d'ici. Quand vous faites les guillemets, vous faites des petits lapins avec vos index. Oui, absolument. Petit lapin, petit lapin. Voilà. Et donc ces informations sur la position et la vitesse des galaxies, elles sont incluses, elles sont listées dans une grosse base de données qui s'appelle Cosmic Flow 3. Et à partir de ces données de Cosmic Flows 3, l'équipe de chercheurs a développé une nouvelle méthode pour prédire la structure locale de la toile cosmique. Alors cette méthode, elle est basée sur un algorithme de deep learning. C'est une technique d'apprentissage automatique machine qui s'apparente un petit peu à de l'intelligence artificielle, si on veut mettre des mots buzz, et qui est très très en vogue actuellement dans de nombreuses disciplines scientifiques. Et en gros, les chercheurs, ils donnent à manger à l'algorithme des informations sur les vitesses et les positions des galaxies, et l'algorithme leur fournit en sortie la distribution la plus probable de matière noire dans laquelle ces galaxies évoluent. Et donc pour entraîner leur modèle, parce que tu peux pas faire ça sur du rien, donc il faut lui apprendre à assigner une distribution de matière noire invisible à une distribution de matière visible avec des galaxies. Et donc pour ça, les chercheurs coréens, ils ont utilisé des résultats de simulation cosmologique. Donc une simulation cosmologique, c'est un programme informatique extrêmement complexe, hein, qui simule l'évolution de l'univers à très grande échelle à partir des lois de la physique qui sont connus à l'heure actuelle. Et donc le résultat de cette nouvelle carte de la toile cosmique, cette première carte de la toile cosmique locale qui a été réalisée grâce à cette étude, elle reproduit non seulement des structures connues, comme ce qu'on appelle la feuille locale, par exemple. C'est quoi la feuille locale ? La feuille locale, c'est une région de l'espace qui contient non seulement la Voie lactée, donc notre galaxie, et une poignée de galaxies voisines qui partagent tous la même vitesse propre. C'est pas l'amas local, ça ? Alors, il y a l'amas local, il y a plusieurs trucs de local. Il y a plusieurs... hiérarchie de les astronomes sont très peu imaginatifs sur la manière dont ils nomment les choses. Et puis on aime bien surtout que ce soit local alors que c'est vraiment des distances que vous imaginez pas. C'est vraiment, on parle de millions, je sais même pas quantifier trop, je vais pas dire des bêtises. Alors, il faut millions d'années-lumière, milliards d'années-lumière. Oui, on peut même partir jusqu'à des milliards d'années-lumière. Donc c'est très très très loin. Donc on a cette feuille locale, donc cette feuille de galaxie. On a le vide local qui est cette fois une région de l'espace, une autre région de l'espace, mais relativement vide de matière, pas très loin de la soixantaine de galaxies les plus proches de nous. Mais cette méthode, ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle a aussi permis de révéler des nouvelles structures qui étaient inconnues jusqu'à présent. Des structures invisibles, des sortes de ponts de matière invisibles qui vont relier les galaxies entre elles à petite échelle, enfin relativement à petite échelle, parce qu'on est quand même sur l'échelle de la toile cosmique. Et donc ces structures invisibles, elles vont pouvoir faire l'objet d'une attention accrue à l'avenir par les astronomes lorsqu'ils vont recenser les galaxies de l'univers, notamment avec la prochaine génération de télescopes, comme le fameux JWST. James Webb Space Telescope, qui a été retardé une fois de plus. Encore. Sera-t-il un jour lancé? Je pense que peut-être... peu d'astronomes auront des cheveux à l'époque où ce sera lancé. C'est ça. Ce sera mon arrière-petit-fils qui présentera la méthode scientifique si tant est que j'ai des enfants un jour. Oui. Et donc, pour tester la robustesse un petit peu de leur modèle, les chercheurs, ils ont testé leur modèle sur deux simulations cosmologiques différentes. Donc, d'un côté, on a Illustris TNG pour The Next Generation et Eagle, qui sont les codes les plus sophistiqués et les plus complets du moment. Et donc, tous leurs tests convergent à peu près vers le même résultat, donc vers la même stru- structure de la toile cosmique locale, ce qui est plutôt rassurant. Et donc, à ce stade, il semblerait que la plus grosse source d'incertitude dans cette étude, elle provienne des données d'observation elles-mêmes, et notamment de la distance, de l'estimation des distances des galaxies. Il se trouve que c'est très très difficile en astronomie de déterminer avec précision la distance des galaxies, hein, on n'a pas de règle graduée qui va jusqu'à là-bas. Et donc, cette incertitude... Je crois que des auditrices et des auditeurs avaient tenté de calculer le poids que ferait une règle qui calculerait la distance qui partirait de la Terre pour calculer la distance jusqu'à la galaxie d'Andromède, et ils y arrivaient à des quantités assez énormes d'acier. Oui. Cette imprécision sur l'estimation des distances des galaxies, elle limite en pratique la précision de nos modèles sur l'estimation de la distribution de la matière noire dans l'univers local. Donc cette technique, elle est assez prometteuse. Elle est encore nouvelle, hein. C'est la première fois qu'elle est appliquée. Il faudra attendre d'autres études indépendantes, comme d'habitude, pour confirmer ce résultat. Mais si cette carte, elle est correcte, elle pourrait bien nous aider à percer une bonne fois pour toutes le mystère de la nature de la matière noire. Hein, parce qu'au final, la distribution locale de la matière noire, c'est une des inconnues. Et donc, c'est mieux si on connaît la nature de ça pour connaître la nature de la matière noire. Mmh. Et pour les auteurs de l'étude, c'est même un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la cosmologie, donc l'étude du cosmos en tant qu'objet, puisqu'on peut imaginer utiliser cette carte de la toile cosmique comme condition initiale pour lancer de nouvelles simulations cosmologiques et pour déduire des informations qui sont relativement précieuses sur le passé à long terme ou le futur à long terme de notre voisinage cosmique. Et c'est assez touffu, c'est assez complexe, c'est assez passionnant. On va vous remettre, on a mis sur le fil Twitter des liens où on a parlé de ces filaments cosmiques. Alors c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas c'est des concepts qui se retrouvent, et notamment autour des travaux d'Hélène Courtois qui a beaucoup travaillé sur la modélisation de ces structures cosmologiques à très très grande échelle. Cécile, vous vouliez réagir? Pas du tout, pas un mot. Je suis juste fascinée, voilà. Blaise Mao, un mot sur ces ponts intergalactiques et sur finalement la capacité qu'on a de visualiser, de formaliser ces régions et ces régions spatiales aussi loin. Moi, c'est toujours assez, je trouve ça toujours assez impressionnant parce que c'est une abstraction quasiment totale. Moi, ça m'a donné envie en fait de relire Le problème à trois corps de Liu Cixin, merveilleuse trilogie de science-fiction de l'auteur chinois. Voilà, j'ai voyagé avec les images du livre d'il y a deux ans là pendant que ça passait. Pourtant, ça se passe beaucoup plus près parce que c'est Tris Solaris, c'est Alpha du Centaure, c'est les voisins. C'est les voisins, c'est 4 années-lumière. Oui, Cécile, non. Donc, je veux bien relire aussi. Le problème à trois corps. Avec plaisir. Je dois être la seule personne de cette table qui ne l'a pas lu, donc ne pas spoiler en direct. D'autant que c'est vraiment un livre. Ne pas lire le quatrième de couverture, Sébastien. C'est promis. Promis juré, si vous lisez le troisième de couverture, ne lisez pas la quatrième de couverture. Je prends note. On va passer à notre troisième dossier du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour en finir, pourrait-on dire, Blaise Mao va relever devant vos oreilles ébahies un défi de tous les dangers, puisque nous avons essayé, pour vous parler un peu de la coulisse et du fonctionnement, parce que tout ce que nos esprits malades dans l'équipe de la méthode scientifique imaginent n'arrive pas systématiquement à l'antenne. Et Blaise, il faut que je vous le dise, nous avons essayé de nous atteler plusieurs fois à cette question, et on a toujours fini par renoncer. Cette question, c'est celle de l'expérience de mort imminente. Mais pas vous, Blaise, puisque votre courage n'égale que votre audace. Vous êtes intéressé à ces expériences de mort imminente et de ce qu'elles peuvent apporter comme information sur cette entité si complexe qu'est la conscience. Dans une série américaine des années 60, vous aurez bonne chance, Jim. Mais c'est passionnant, et c'est dans ce numéro de d'Ouzbek et Ricard. Racontez-nous ce que vous avez réussi à récolter comme information. Ben, je vais vous faire rêver. Nous, on est allé à Liège pour ça, pour récolter des informations sur la mort imminente et sur la conscience au CHU de Liège. On a notamment rencontré Steven Lores, qui est un médecin neurologue spécialiste des états de conscience alternés. Et qui collabore à un projet qui s'appelle Giga Consciousness. C'est une unité européenne qui réunit trois labos, dont Liège, qui étudie donc la conscience humaine, sa neuroanatomie et ses modifications physiologiques. En gros, analyser l'imagerie cérébrale, analyser ce qui se passe dans le cerveau pendant ce qu'on appelle donc les états de conscience alternés ou modifiés, lesquels le coma, l'hypnose, les rêves et surtout, et c'est l'objet de notre enquête, les expériences de mort imminente, donc les fameuses NDE hein, pour Near Death Experience. Qu'est-ce qui se passe donc pendant ces expériences de mort imminente? En fait, on a d'abord, c'est un phénomène qui est universel, dont on a des témoignages partout dans le monde et à toutes les époques. C'est ce qui rend le phénomène passionnant, c'est qu'effectivement, c'est pas culturel du tout, c'est totalement... C'est récurrent, c'est universel et ça date de toutes les époques. Alors le plus vieux témoignage, on l'évoque dans l'article, c'est évidemment... Le fameux Socrate. Socrate qui aurait eu cette near-death expérience et qui aurait été relaté par Platon. Non, plus sérieusement, il y a une certaine cohérence quand même dans les récits de ceux qu'on appelle les expérienceurs, des longs tunnels, des flashs de lumière et le fameux phénomène de décorporation. Donc c'est-à-dire ce sentiment qu'on voit son corps, hein, un petit peu comme quand on joue au jeu vidéo et qu'on sort de la caméra subjective, voilà, et qu'on se voit en troisième personne, avec parfois des descriptions de la réanimation, alors que le cœur est à l'arrêt et que la personne est en état présumé inconscient. Donc il y a quand même une certaine cohérence, une certaine récurrence de ces témoignages. Ça n'a pas du tout été pris au sérieux. Non. Par la science. Hein, ça a été récupéré par à la fois les religions, mais aussi par toute une frange effectivement de mystiques ésotériques un peu pas très intéressants et pas très fiables. Et c'est vrai que la science s'est toujours un peu cassé les dents sur cette question. Oui, parce que on commence à comprendre quelques petites choses, mais le mystère reste entier. Effectivement, il y a une énorme littérature ésotérique, très peu de publications. Là, ce qui est intéressant avec le travail du CHU, c'est qu'ils ont créé une base de données de 1800 récits de near-death expérience, hein, d'expérience de mort imminente, avec la limite de cette méthode, c'est évidemment que c'est des récits subjectifs, ce qu'on appelle le biais de mémoire, puisqu'on on est dans le récit de souvenir, on est dans le récit d'expérience vécue, ou en tout cas ressentie, et ils essaient de classer ça en mettant à jour notamment ce qu'on appelle l'échelle de Grayson, Bruce Grayson, qui était un psychiatre, hein, qui était un des pionniers de la recherche sur la mort imminente, et qui en 1983 avait défini une échelle via un questionnaire précis pour essayer de classer un petit peu ses ressentis. En 16 questions, je crois même. 16 questions. Alors, les gens du CHU, ils sont à la fois très lucides. Hein, c'est ce que nous dit Steven Lorenz. Il dit on comprend toujours pas la réalité physiologique de l'expérience de mort imminente. Lui d'ailleurs, pour l'anecdote, il a tout tenté pour essayer d'en vivre lui-même, oui. Que ça soit la... Alors, il a pas tenté à ses jours, heureusement. Non, voilà, entendons-nous bien. Même. Il a pris de la DMT, voilà. Là, psychotrope, ça, c'est très intéressant. Hallucinogène fort, ouais. Qui fait en fait, dont les effets mime, voilà, ceux de l'expérience de mort imminente. Il s'est mis dans une centrifugeuse aussi à Varsovie. Mais la DMT, c'est intéressant parce que moi, je m'étais renseigné pour un récit de fiction que j'avais écrit. Et effectivement, les questions, en tout cas, il y a une interrogation sur le fait que notre cerveau produirait effectivement de la DMT au moment du stress impliqué par l'effondrement des fonctions vitales et que les expériences que ressentent les personnes qui s'en servent de manière comme une drogue récréative sont effectivement extrêmement proches et très très similaires à celles des personnes qui vivent ces expériences de mort imminente. Donc j'avais le sentiment qu'il y avait quand même quelque chose, des éléments qui commençaient à s'assembler autour de cette molécule-là précisément. Ouais, c'est clairement une des pistes les plus avancées. Hein. Alors ils ont classé, ils classent, donc il y a les phénomènes de flash de lumière dont je parlais, il y a l'impression de mourir, il y a la possibilité de ressentir des émotions négatives aussi pendant ces séquences. Après, il y a des chercheurs qui vont plus loin. Que ceux qui sont au CHU de Liège, mais dont les théories ne sont pour l'instant pas contredites. Il y en a deux qui sont intéressants. Il y en a un qui s'appelle Pim van Lommel, qui est donc un cardiologue néerlandais. Lui, son hypothèse, c'est que le cerveau ne serait pas donc le producteur de la conscience, mais fonctionnerait comme un poste de radio ou un poste de télé, en étant un émetteur-récepteur. Et pour arriver à cette hypothèse, il s'appuie sur le fait qu'en fait, tous les patient qu'il a étudié donc en expérience de mort imminente, le patient était cliniquement mort quand il a eu ses... Là aussi c'est discutable, parce qu'à quel moment est-ce qu'on déclare véritablement une mort clinique? En tout cas, il n'avait plus d'activité cardiaque. Exactement. Voilà. Plus d'activité cardiaque, ce qui fait que... On n'est pas encore tout à fait cliniquement mort quand on n'a plus d'activité cardiaque. Non, c'est la première étape, on va dire. Ça commence bien. Ça commence mal, mais ça, bref, je vous laisse poursuivre. Ça commence bien dans une séquence qui finit mal. Le deuxième, c'est Sam Parnia, qui est un Britannique. Lui, il est pneumologue, mais il est aussi chercheur au Langone Medical Center de New York. Il a fait une expérience plus intéressante, plus large, hein, sur 140 patients, publié en 2014. L'étude s'appelle AWARE, A-W-A-R-E. Mmh. Première étude où ils ont testé la perception de stimuli extérieurs malgré l'état de mort clinique. Donc là, c'est assez intéressant. Les gens du CHU de Liège considèrent qu'il faudrait refaire cette expérience, évidemment sur une base plus large, filmée, avec des stimuli qui ne seraient pas attendus. Voilà, un protocole un peu solide. C'est vrai qu'on, à titre personnel, moi, c'est le moment où je lâche un peu. Ouais. Autant je trouve qu'effectivement, les points de vue de Stephen Leray sont vraiment intéressants et posent des questions qui sont des questions scientifiques, autant là je trouve qu'on navigue en terrain un peu plus méthodologiquement meuble. Flou. Oui, c'est ça. Tout à fait. Après, ce que dit Parnia, qui est intéressant, on le cite d'ailleurs, il dit les preuves que les neurones produisent la conscience n'existent pas. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut quand même explorer cette hypothèse. On a une chercheuse du CHU de Liège qui dit oui, si, parce qu'effectivement, si la conscience elle n'est pas localisée dans le cerveau, ça veut dire qu'elle pourrait potentiellement lui survivre. Si on étire le fil. Si on glisse un peu. Mais elle lui dit, voilà, si la pente est un peu savonneuse. Tant qu'on n'a pas la preuve, ni la technique disponible pour infirmer cette hypothèse, il faut travailler dessus. Aujourd'hui, effectivement, on l'évoquait un peu à mot couvert tout à l'heure, la seule preuve irréfutable de vie après la mort, c'est le don d'organes. Ce qui est une autre acception de la vie ou du prolongement de la vie. Ouais. Voilà, exactement. Cécile, c'est intéressant parce que c'est passionnant. Il y a une réalité qui est une réalité comme on le lit dans l'article de Zadeh Kerika, qui est une réalité historique, pluriculturelle. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et comme on arrive à ces limites, bien sûr, du scientifique et du scientifiquement correct. On n'aime pas dire scientifiquement correct, mais en tout cas du méthodologiquement irréprochable, dirons-nous. On commence effectivement à naviguer en eau trouble. Mais c'est une question vraiment intéressante. Oui, et qui rejoint une grande question quand même des neurosciences, c'est qu'est-ce que la conscience? Oui, bien sûr. Et la conscience, on n'en a toujours pas vraiment de définition. Il y a plusieurs théories de la conscience qui sont intéressantes, qui sont là. Relativement étayé par des chercheurs, dont Stephen Leray d'ailleurs, qui est un grand monsieur de cette question-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de prouver l'existence d'un truc qu'on ne définit pas vraiment. Donc c'est toute la question est là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher, évidemment. Et à l'inverse, donc on essaye de retrouver cette conscience hors du cerveau de quelqu'un qui est en train de mourir, voilà. Et comme vous savez aussi, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent aujourd'hui avec les organoïdes. Bien sûr. Voilà, sous ces mini-cerveaux. Enfin, c'est pas que des mini-cerveaux, les organoïdes. Il y a des mini-cœurs, des mini-foies, des mini-intestins. Mais on fait aussi des mini-cerveaux, voilà. Sur lesquels on voit effectivement une activité cellulaire sous forme d'onde. Donc on dit, c'est de la conscience. Est-ce que ces organoïdes sont conscients? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça. Et donc, et voilà. Et on ouvre des champs entiers de recherche. C'est formidable, on en a pour des années encore. On en a pour assez longtemps. Sébastien, une réaction assez... Oui, moi, ça me rappelle beaucoup cette question des near-death experiences. Ça me rappelle beaucoup les expériences de Robin Cathcart-Harris à Imperial College, qui cette fois sont sur les effets des drogues psychédéliques sur la perception de ce qu'on appelle l'ego, enfin l'ego dissolution, comme ils appellent ça en psychiatrie, où l'idée, c'est on a des témoignages à travers le monde de gens qui expérimentent ce que eux ils appellent ego death dans les mouvements mystiques new age et psychédéliques. Pendant plusieurs décennies, ce genre de question a été complètement écarté pour des raisons politiques et par la science conventionnelle. Mmh. Et aujourd'hui, les laboratoires se réapproprient ce genre d'études pour essayer d'en faire des études beaucoup plus rigoureuses en mettant des gens dans des IRM pour pouvoir voir leur anatomie cérébrale. Mmh. Et puis parce qu'on s'aperçoit que parmi les drogues psychédéliques, certaines pourraient avoir des effets thérapeutiques aussi. Tout à fait. Si on les utilise correctement et pas n'importe comment, mais ça c'est une piste de recherche très importante, notamment pour la dépression. Pour la dépression notamment, on avait consacré une émission à cette question-là. Il y a des questions, des points d'interrogation aussi dans la lutte contre les maladies neurodégénératives. On voit effectivement notamment des usages de certains hallucinogènes forts comme le LSD qui permettent de recalibrer, en tout cas de refaire fonctionner des zones du cerveau qui étaient moins stimulées. Enfin, il y a des recherches qui sont effectivement passionnantes, Cécile, à ce propos. Absolument. Donc, on reboucle un peu entre les gens qui vont presque mourir et ceux qu'on empêche de mourir. C'est cette question de la DMT que j'avais effectivement un peu travaillé pour la fiction est assez passionnante. Un mot de conclusion, Blaise Mao, sur l'ensemble de ce dossier ou sur ces questions de. Je pense qu'il faut. Expérience limite. Il faut avoir bien conscience que les. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant pour nous vulgarisateurs. Comment traiter de ces questions qui. Ce restent des questions scientifiques, mais qui ont été en partie réappropriées par des personnes qui le sont moins. Tout premier livre sérieux, 1975. Donc on est sur quelque chose d'assez récent. Et le projet du CHU de Liège, il a 10 ans. La base de données sur laquelle il travaille, elle a 10 ans. Donc c'est très récent. C'est aussi pour ça. Et il y a une grande humilité de leur part sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les explications physiologiques sur ce qui se passe. Donc il faut avoir ça en tête. Maintenant, il faut plus de papiers sérieux et il faut moins de livres ésotériques, on va dire. On va peut-être faire, pour conclure, un dernier tour de table sur d'autres actualités, des choses que vous avez vues, des choses que vous avez suivies, des choses que vous voudriez recommander ou pointer à nos auditrices et nos auditeurs. Cécile ? Si, ben, puisque les musées rouvrent, voilà. Moi, je conseille aux auditeurs de se précipiter dans tous les musées qu'ils veulent, mais notamment au musée d'Orsay, pour voir l'exposition sur les origines. Malheureusement, là, j'oublie le titre. Voilà, mais sur les origines vivantes ? Oui, enfin, sur l'évolution, comment la théorie de l'évolution a percolé dans le monde de l'art, et donc dans la société en général, qui est vraiment magnifique. C'est une exposition conjointe entre le musée d'Orsay et le muséum, justement. Il y a des œuvres méconnues. Enfin, il y a l'origine du monde, évidemment, mais et c'est une très jolie exposition qui mêle art et science de façon très intéressante. Blaise Mao, autre chose dans la science ou dans le panorama de l'actualité scientifique, ou à passer ou à venir par ailleurs? Eh ben, on va rester sur les expos, c'est bien, parce que c'est le week-end, à la Gaîté Lyrique. L'artiste Olivier Ratzi qui a fait un travail assez extraordinaire sur la lumière. Uzbek et Erika est partenaire de cette exposition qui a ouvert ses portes là le 19 et qui est vraiment, c'est des installations magnifiques. Donc allez voir, il fait tout un travail sur la couleur et sur le rôle de la lumière et ce qu'on peut faire avec. On va essayer de vous mettre toutes ces recommandations sur notre fil Twitter. Sébastien. Oui, moi j'aimerais parler du Dark Energy Survey, dont une grosse collaboration internationale en cosmologie qui vient de publier ses résultats hier et un énorme travail qui vient d'être publié il y a quelques jours et qui réaffirme la robustesse du modèle cosmologique standard avec sa matière noire, avec son énergie noire et ses paramètres. Et avec sa matière baryonique quand même. Et avec sa matière baryonique. C'est 4%, on va pas les oublier. Tout à fait, qui constitue la maison de la radio notamment. Et donc voilà, c'est un énorme travail, mais qui nous apprend au final, enfin, qui nous apprend énormément de choses, mais qu'on sait déjà. Maintenant, on aimerait voir s'il y a de la nouvelle physique quelque part. Ces résultats seront probablement très utiles pour pouvoir sonder si on a de la nouvelle physique. On pourrait essayer pour mieux comprendre déjà la nature de cette matière et cette énergie noire, ou des modèles alternatifs du style gravité modifiée, etc. Mais pour l'instant, le modèle standard tient le coup. Le modèle standard tient le coup, et même s'il y a beaucoup de scientifiques qui commencent à chercher et qui cherchent encore et toujours à le secouer un peu. Un mot pour conclure, un petit tour de table à la une donc pour la science ce mois-ci, Cécile. Eh bien les plastiques, mais pour faire plaisir à Sébastien, le muon ébranle-t-il le modèle standard? Merveilleux. On a fait sur le moment magnétique du muon une émission aussi, allez, on va remettre le lien également. La prochaine vidéo du Sense of Wonder ou d'autres colorations vidéo. La dernière vidéo du Sense of Wonder plutôt, qui s'appelle Le jour où l'humanité a découvert la Terre, c'est une vidéo qui raconte l'histoire de lever de Terre, qui est la première photo de notre planète prise depuis l'espace par un humain. Et cette vidéo, elle explore la portée philosophique et politique de ce cliché. Et à la une d'Ouzbek Erika Blaise Mao. deux dossiers, un sur la géo-ingénierie, ses promesses techniques et ses limites, et puis un autre grand dossier sur les lumières, c'est les 300 ans des lettres persanes de Montesquieu, c'est quoi leur héritage pour le monde d'après. Merci à tous les trois, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Éléonore Pérez, Alexandre Morales, Céline Lezen, Nominaguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté, qu'on salue bien à la technique. La semaine prochaine, au menu de la méthode scientifique, lundi, ce sera notre émission spéciale Covid, on va essayer de mettre des réponses aux derniers grands points d'interrogation autour de notre connaissance de ce virus et se demander si c'est vraiment le début de la fin, ce que l'on peut toutes et tous espérer. Mardi, nous ferons un peu d'exobiologie, nous demanderons quelles seraient les bases de la vie, mais ailleurs que sur Terre. Mercredi, robotique, nous nous demanderons à quand arriveront donc les robots en pattes, l'empathie artificielle est-elle de mise pour les prochains mois ou pour les prochaines années. Deuxième partie du voyage du Beagle, jeudi et vendredi, fiction. Nous parlerons d'oxygène, le dernier voyage est méandre. Est-ce le retour de la France fiction? Demain à 16h, ce sera Étienne Klein. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.